Nous étions au 1er juillet. À 9h du matin, je fus prévenue que je verrais ma femme quelques instants après, dans la chambre voisine de celle que j'occupais. Cette chambre était comme la mienne, fermée par un grillage serré en bois, qui ne permettait pas de voir dans la cour. Elle avait été garnie d'une table et de chaises. Toutes les entrevues avec les miens, avec mes défenseurs, y eurent lieu. Si fort que je fusse, un violent tremblement me saisit. Les larmes coulèrent. Ces larmes que je ne connaissais plus depuis si longtemps. Mais je pus bientôt me ressaisir. L'émotion que nous éprouvâmes, ma femme et moi, en nous revoyant, fut trop forte pour qu'aucune parole humaine puisse en rendre l'intensité. Il y avait de tout, de la joie, de la douleur. Nous cherchions à lire sur nos visages les traces de nos souffrances. Nous aurions voulu nous dire tout ce que nous avions sur le cœur, toutes les sensations comprimées et étouffées pendant de si longues années, et les paroles expiraient sur nos lèvres. Nous nous contentâmes de nous regarder, puisant dans les regards échangés toute la puissance de notre affection comme de notre volonté. La présence d'un lieutenant d'infanterie, chargé par ordre d'assister à nos entretiens, gênait aussi toute intimité. D'autre part, je ne savais rien des événements qui s'étaient écoulés depuis 5 ans. J'étais revenue avec confiance. Cette confiance avait été fortement ébranlée par les péripéties de la nuit émouvante que je venais de passer. Mais je n'osais interroger ma chère femme de crainte de lui procurer une douleur. De même, elle préféra laisser à mes avocats le soin de me mettre au courant. Ma femme fut autorisée à me voir tous les jours pendant 1 heure. Je revis aussi successivement tous les membres de nos familles. Et rien n'égale la joie que nous eûmes de pouvoir enfin nous embrasser après tant d'années douloureuses. Le 3 juillet, maître Demange, maître Laborie, était auprès de moi. Je me jetai dans les bras de maître Demange, puis je fus présenté à maître Laborie. Ma confiance en maître Demange, en son admirable dévouement, était restée inaltérée. Je ressentis tout de suite une vive sympathie pour maître Laborie, qui avait été, avec tant d'éloquence et de courage, l'avocat de la vérité, et à qui j'exprimais ma profonde gratitude. Puis maître Demange me fit succinctement le récit de l'affaire. J'écoutais haletant. Et dans mon esprit, peu à peu, s'enchaînèrent tous les anneaux de cette dramatique histoire. Ce premier exposé fut complété par maître Laborie. J'appris la longue suite de méfaits, de scélératesses, de crimes constatés contre mon innocence. J'appris les actes héroïques, le suprême effort tenté par tant d'esprits d'élite, la superbe lutte entreprise par une poignée d'hommes de grand cœur et de grand caractère contre toutes les coalitions du mensonge et de l'iniquité. Pour moi, qui n'avais jamais douté de la justice, quel effondrement de toutes mes croyances. Mes illusions à l'égard de quelques-uns de mes anciens chefs s'envolèrent une à une. Mon âme s'emplit de troubles et de douleurs. Je fus saisi d'une immense pitié, d'une grande douleur pour cette armée que j'aimais. Dans l'après-midi, je vis mon cher frère Mathieu, qui s'était dévoué à moi depuis le premier jour, qui était resté sur la brèche pendant ces 5 années, avec un courage, une sagesse, une volonté admirable, qui a donné le plus bel exemple de dévouement fraternel. Le lendemain 4 juillet, les avocats me remirent les comptes rendus des procès de 1898, l'enquête de la chambre criminelle, les débats définitifs devant les chambres réunies de la cour de cassation. Je lus le procès Zola dans la nuit qui suivit, sans pouvoir m'en détacher. Je vis comment Zola fut condamné pour avoir voulu et dit la vérité. Je lus le serment du général de Boisdeffre, jurant l'authenticité du fou Henri. Mais en même temps que ma tristesse s'augmentait, en considérant avec douleur combien les passions égarent les hommes, en lisant tous les crimes commis contre l'innocence, un profond sentiment de reconnaissance et d'admiration s'élevait dans mon cœur pour tous les hommes courageux, savants ou travailleurs, grands ou humbles, qui s'étaient jetés vaillamment dans la lutte pour le triomphe de la justice et de la vérité, pour le maintien des principes qui sont le patrimoine de l'humanité. Et ce sera dans l'histoire l'honneur de la France que cette levée d'hommes de toutes les catégories, de savants jusqu'ici enfouis dans les travaux silencieux du laboratoire ou du cabinet d'études, de travailleurs attachés au dur labeur journalier, d'hommes politiques mettant l'intérêt général au-dessus de leur intérêt personnel, pour la suprématie des nobles idées de justice, de liberté et de vérité. Puis je lus l'admirable mémoire présentée devant la cour de cassation par maître Mornard, et le sentiment de profonde estime que j'eus dès lors pour l'éminent avocat ne fit que se fortifier encore quand je l'eus connu et que je pus apprécier sa haute et libre intelligence. Levé de bonne heure, entre 4h et 5h du matin, je travaillais tout le jour. Je compulsais avec avidité les dossiers, marchant de surprise en surprise devant cet amas formidable d'incidents. J'appris l'illégalité du procès de 1894, la communication secrète aux membres du premier conseil de guerre de pièces fausses ou inapplicables ordonnées par le général Mercier, les collusions pour sauver le coupable. Je reçus aussi dans cette période des milliers de lettres d'amis, connues ou inconnues, de tous les coins de France et de tous les coins de l'Europe et du monde. Je n'ai pu les remercier individuellement, mais je tiens à leur dire ici combien mon cœur s'est fondu à ces touchantes manifestations de sympathie, quel bien j'en ai éprouvé, quelle force j'y ai puisé. J'avais été très sensible au changement de climat. J'avais constamment froid et je dus me couvrir très chaudement, quoique nous fussions en plein été. Dans les derniers jours du mois de juillet, je fus saisi de violents accès de fièvre, suivi de congestion du foie. Je dus m'aliter, mais grâce à une médicamentation énergique, je fus bientôt debout. Je me mis alors au régime unique du lait et des œufs, et je maintins ce régime durant tout mon séjour à Rennes. J'y ajoutais cependant de la cola durant les débats, afin de pouvoir résister et de tenir debout pendant ces longues et interminables audiences. L'ouverture des débats fut fixée au 9 août. Je dus ronger mon frein. J'étais impatient pour ma chère femme, que je sentais épuisée par ces continuelles émotions comme pour moi-même, de voir arriver le terme de cet effroyable martyre. J'étais impatient de revoir mes chers et adorés enfants, qui ignoraient encore tout, et de pouvoir, dans la tranquillité entre ma femme et eux, oublier toutes les tristesses du passé et renaître à la vie. Je ne raconterai pas ici les débats du procès de Rennes. Malgré l'évidence la plus manifeste, contre toute justice et toute équité, je fus condamné. Et le verdict fut prononcé avec circonstances atténuantes. Depuis quand y a-t-il des circonstances atténuantes pour le crime de trahison? Deux voix cependant se prononcèrent pour moi. Deux consciences furent capables de s'élever au-dessus de l'esprit de parti pour ne regarder que le droit humain, la justice et s'incliner devant l'idéal supérieur. Quant au verdict que cinq juges ont osé prononcer, je ne l'accepte pas. Je signai mon pourvoi en révision le lendemain de ma condamnation. Les jugements des conseils de guerre ne relèvent que du conseil de révision militaire. Celui-ci n'est appelé à se prononcer que sur la forme. Je savais ce qui s'était déjà passé lors du conseil de révision de 1894. Je ne fondais donc aucun espoir sur ce pourvoi. Mon but était d'aller devant la Cour de cassation pour lui permettre d'achever l'œuvre de justice et de vérité qu'elle avait commencée. Mais je n'en avais alors aucun moyen, car en justice militaire, pour aller devant la Cour de cassation, il faut, au terme de la loi de 1895, avoir un fait nouveau ou la preuve d'un faux témoignage. Mon pourvoi en révision devant la justice militaire me permettait donc simplement de gagner du temps. J'avais signé mon pourvoi le 9 septembre, le 12 septembre, à 6h du matin. Mon frère Mathieu était dans ma cellule, autorisé par le général de Galiffet, ministre de la guerre, à me voir sans témoin. La grâce m'était offerte, mais il fallait, pour qu'elle pût être signée, que je retirasse mon pourvoi. Quoique je n'attendisse rien de ce pourvoi, j'hésitais cependant à la retirer, car je n'avais nul besoin de grâce, j'avais soif de justice. Mais d'autre part, mon frère me dit que ma santé, fort ébranlée, me laissait peu d'espoir de résister encore longtemps dans les conditions où j'allais être placée, que la liberté me permettrait de poursuivre plus facilement la réparation de l'atroce erreur judiciaire dont j'étais encore victime, puisqu'elle me donnait le temps, seule raison du pourvoi, devant le tribunal de révision militaire. Mathieu ajouta que le retrait de mon pourvoi était conseillé, approuvé par les hommes qui avaient été dans la presse devant l'opinion, les principaux défenseurs de ma cause. Enfin, je songeais à la souffrance de ma femme, des miens, à mes enfants que je n'avais pas encore revus, et dont la pensée me hantait depuis mon retour en France. Je consentis donc à retirer mon pourvoi, mais en spécifiant bien nettement mon intention absolue et irréductible de poursuivre la révision légale du verdict de Rennes. Le jour même de ma libération, je fis paraître une note qui traduisit ma pensée et mon invincible volonté. La voici. Le gouvernement de la République me rend la liberté. Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Dès aujourd'hui, je vais continuer à poursuivre la réparation de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis encore victime. Je veux que la France entière sache par un jugement définitif que je suis innocent. Mon cœur ne sera apaisé que lorsqu'il n'y aura pas un Français qui m'impute le crime abominable qu'un autre a commis. Fin. Ceci est un enregistrement sous licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.